بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. حياكم الله. Nous allons continuer, incha'Allah ta'ala, l'explication du livre intitulé « Les trois fondements ». Livre écrit par le grand savant, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur lorsqu'il dit wa dalil at-tawakkul qawluhu ta'ala wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuh. La preuve concernant la confiance en Allah se trouve dans la parole d'Allah, selon le sens. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Allah dit aussi, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc ici l'auteur, il nous mentionne la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est important tout d'abord de définir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, ils ont mentionné plusieurs définitions de la confiance en Allah. Mais la définition qu'on a choisie aujourd'hui, c'est la définition d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. En effet, dans son livre intitulé Zadul Ma'ad, il dit concernant la confiance en Allah, donc il dit, rahimahullah, la confiance en Allah est que le cœur s'en remette à Allah dans l'obtention de ce qui est profitable au serviteur, dans sa religion et dans sa vie mondaine, et dans le repoussement de ce qui lui est nuisible, dans sa religion et dans sa vie mondaine, et il faut en plus de cela qu'il fasse les causes. Donc ça, c'est la définition qu'a mentionné Ibn al-Qayyim dans son livre intitulé Zad al-Ma'ad. Et donc, au vu de cette définition, ikhwani fillah, nous remarquons que la confiance en Allah est basée sur deux points. Le premier point, c'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, est faire les causes. Et concernant les causes, les gens se sont divisés en plusieurs catégories. Parmi elles, trois catégories. La première catégorie, ceux qui ont délaissé totalement les causes. Selon eux, pour concrétiser le tawakkul, c'est-à-dire pour concrétiser la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut délaisser totalement les causes. Et ceci les a poussés à ne pas travailler, par exemple. Ou bien ça les a, et aussi ça les a poussés à, lorsqu'ils voyagent, de voyager sans provision et beaucoup d'égarements similaires. Et ce genre de choses, nous les retrouvons chez ceux qu'on appelle les soufis. Donc chez les soufis, la secte des soufis, le tawakkul, c'est le fait de délaisser totalement les causes. La personne qui voyage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voyage sans provision. La personne ne travaille pas, car pour eux, le tawakkul ne sera pas concrétisé tant que la personne n'aura pas délaissé l'ensemble des causes. Et il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident. La deuxième catégorie, ceux qui disent qu'Allah n'a pas créé les choses pour une cause. Et ils disent aussi que les causes n'ont pas d'impact. C'est-à-dire, ikhwani fillah, que selon eux, le feu à la base ne brûle pas. Et le poison ne peut pas être mortel. Mais plutôt, c'est Allah qui les rend de la sorte lorsqu'ils sont en contact avec quelque chose. Je vais m'expliquer. Donc selon eux, le feu ne brûle pas. Et ce n'est pas une cause pour brûler une maison, par exemple. Mais en vérité, lorsque le feu rentre en contact avec une maison, Allah subhanahu wa ta'ala fait à ce que la maison brûle. Mais à la base, le feu ne brûle pas et n'est pas une cause pour brûler quelque chose. Mais c'est seulement lorsque le feu est en contact avec une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait à ce que cette chose brûle. Et il n'y a pas de doute que lorsqu'on regarde les preuves du Coran et de la Sunna, on peut remarquer que cette parole aussi est un égarement évident. Et la troisième catégorie, ceux qui ont reconnu les causes et leurs effets. Malgré cela, ils se sont remis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font les causes, mais ils ne placent pas leur confiance en celles-ci. Selon eux, les causes peuvent marcher comme elles peuvent échouer. Et ceci, ikhwani fillah, c'est la parole des gens de la sunna. Les gens de la sunna, eux, ils reconnaissent les causes. La personne qui veut se marier, il fait les causes pour se marier. Celui qui veut chercher du travail, celui qui veut avoir du travail, il fait les causes pour avoir du travail. Il cherche du travail, il demande à droite et à gauche, il fait les causes. Mais ces causes-là peuvent marcher et ils peuvent aussi échouer. Et aussi, ils ne placent pas leur confiance aux causes. Ils placent leur confiance en Allah, ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils font les causes Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire les causes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Il faut savoir que les causes sont multiples. Il faut savoir que les causes sont multiples. La personne qui veut de l'argent, en règle générale, elle cherche du travail. Elle va demander à ses proches s'ils connaissent des gens qui ont besoin de personnel, ou bien elle va démarcher sur Internet ou faire certaines démarches. Et en règle générale, ikhwani fillah, les gens se concentrent sur ce genre de causes. Mais il y a d'autres causes que certaines personnes ignorent, telles que le repentir, la demande de pardon et toutes les bonnes œuvres d'un point de vue général. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, selon la traduction rapprochée, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est le grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. L'éminent savant, Cheikh Mohammed Al-Shanqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son livre intitulé Adwa al-Bayan, dans le tafsir de ce verset, je cite, et ceci prouve que la demande de pardon, le repentir et les œuvres pieuses peuvent être une cause pour faciliter la subsistance. Fin de citation. Et lorsqu'on médite sur la parole de cet imam, l'imam Shanqiti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, ce grand savant mauritanien qui est mort il y a de cela quelques années, on remarque qu'en général, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, il ne se concentre pas sur ces causes-là. Tu vas voir quelqu'un qui veut de l'argent. Alhamdulillah, tu vas le voir faire toutes les boîtes d'intérim, Allahumma barik. Mais lorsque l'heure du Asr, il va venir, il va délaisser la salah. Car d'après lui, il est meshroul, d'après lui, il est occupé à chercher du travail. Alors qu'il ne sait pas que c'est peut-être là qu'il doit plus chercher, c'est-à-dire améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, se réformer, faire tawbah, demander pardon, prier, jeûner, car ce sont des causes pour que la personne réussisse et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à la personne. C'est pour ça que les meshayikh au Yémen incitaient beaucoup les élèves à privilégier ces causes, à privilégier ces causes, c'est-à-dire étudier la science, faire les salawat à l'heure, se réformer, faire beaucoup d'istighfar, c'est-à-dire faire beaucoup de demandes, demander beaucoup pardon à Allah, se repentir, et ensuite faire certaines causes, d'accord, comme le fait, comme on a dit, de chercher du travail, etc. Mais il nous disait de beaucoup plus se concentrer sur ces causes-là. Et donc que la personne ne ferme pas la porte à ce genre de causes. Le fait de se repentir, le fait de demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, et les œuvres pieuses d'une manière d'une manière générale. Donc après cela, il convient de mentionner les catégories de confiance. Et il faut savoir que les savants ont divergé à ce sujet. Certains parmi les savants de la Sunna ont mentionné que le tawakkul, la confiance en Allah, se divise en deux catégories. La première catégorie est la confiance qui est une adoration. Elle consiste à placer sa confiance en Allah pour la réalisation des bienfaits et le fait de repousser un mal. Donc ça, son jugement, c'est une adoration. Et ça, c'est la première catégorie qu'ils ont mentionnée. Ensuite, ils ont mentionné une deuxième catégorie qui est le tawakkul, qui est du shirk. Son jugement, c'est du polythéisme. Et il consiste à placer sa confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on place sa confiance en Allah ou plus encore. Ou plus encore. Nous allons donner un exemple. Le musulman, il place sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ses affaires. Par exemple, pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, le fasse rentrer au paradis. Il s'en remet à Allah, d'accord, et il fait les causes. Ou bien, par exemple, dans la subsistance, pour obtenir sa subsistance, il place sa confiance en Allah, il s'en remet à Allah et il fait les causes. Imaginons qu'une personne place sa confiance en Allah, en notre Allah, excusez-moi, pour avoir sa subsistance. Pour avoir sa subsistance. Il place sa confiance aux morts pour la subsistance. Ceci est du shirk. Car cette confiance-là, elle doit être vouée seulement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le jugement de cette action est du polythéisme majeur. Et donc ces savants, ils ont dit deux catégories. Soit c'est une adoration, ou soit c'est du shirk. Et ils n'ont pas mentionné de troisième catégorie, contrairement aux autres savants. Ils ont dit il n'y a pas de confiance qui est permise. C'est-à-dire il n'est pas permis de placer sa confiance en une personne qui est vivante, présente et capable. Comme la peur. Comme on l'a mentionné, la peur se divise en quatre catégories, d'accord? Et parmi, ou plutôt on va dire l'espoir se divise en trois catégories, ça va être plus clair. Parmi ces catégories-là, on a l'espoir qui est permis. Le fait d'espérer en une personne qui est vivante, présente et capable. Concernant le tawakkul, ils ont dit cette catégorie-là, il n'y a pas cette catégorie-là. Il n'y a que deux catégories. Adoration ou bien c'est du shirk. Pourquoi? Car en vérité, at-tawakkul, donc le tawakkul, le love tawakkul, le mot tawakkul, lorsqu'on revient dans le Coran et dans la Sunna, on ne voit pas qu'il a été pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de texte, par exemple, stipulant qu'une personne a placé sa confiance en autre qu'Allah. Que quelqu'un a placé sa confiance à une tierce personne. Il n'y a pas cela. Et donc, on ne peut pas affirmer que cette catégorie existe. Donc, nous disons adoration ou bien shirk. Et ça, c'est le premier avis. Selon eux, deux catégories de tawakkul. Soit c'est une adoration, d'accord, le fait de placer sa confiance en Allah pour la réalisation des bienfaits et le fait de repousser un mal, ou bien ça sera du shirk. C'est-à-dire que la personne place sa confiance, d'accord, en une autre personne, en autre qu'Allah, comme il place sa confiance en Allah ou plus encore. Et le deuxième avis concernant ce sujet, et que le tawakkul se divise en trois catégories. La première catégorie, celle d'adoration, nous l'avons déjà mentionné précédemment. La deuxième catégorie, celle qui est du shirk. Et la troisième, celle qui est permise. C'est-à-dire placer sa confiance en une personne qui est vivante, présente et capable. D'accord? Selon eux, il y a trois catégories de tawakkul. D'accord? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ils ont divergé. Certains disent trois catégories et d'autres deux catégories. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et pour finir, concernant le tawakkul, nous allons mentionner un sujet qui est, selon moi, important. Ce sujet est quel est le jugement de prendre des médicaments et est-ce que ceci contredit le tawakkul? Est-ce que le fait de prendre des médicaments contredit la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut savoir, ikhwani fillah, que les savants ont divergé concernant le jugement de prendre des médicaments et est-ce que ceci contredit le tawakkul. Et ils ont divergé en deux avis. Le premier avis est que prendre des médicaments est permis. Mais délaisser le fait de prendre des médicaments est mieux pour celui qui en a la possibilité et pour celui qui en a la capacité. Et cet avis-là, c'est l'avis de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et les savants qui sont de cet avis se sont basés sur le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des 70 000 qui rentreront au paradis sans châtiment et sans jugement, qu'est-ce qu'il a dit les concernant? Il a dit « Humu alladhina la yastarqoun, wa la yaktawoun, wa la yatatayyaroun, wa ala rabbihim yatawakkaloun. » Il a dit « Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya, qui ne pratiquent pas la cautérisation, qui ne pratiquent pas aussi ce qu'on appelle le tatayyur, mais qui placent plutôt leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc ces savants, ils ont dit que prendre des médicaments, c'est une chose qui est permise. Mais délaisser cela est mieux pour celui qui en a la capacité. Et donc on a dit que c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ces savants-là, qui sont avec l'imam Ahmed, ils ont mentionné le hadith que vous venez d'entendre. Ensuite, le deuxième avis, certains savants sont d'avis que prendre des médicaments, d'accord, ceci est recommandé. Prendre des médicaments est recommandé. Et cet avis-là est l'avis de l'imam Shafi'i et la plupart des sahabas sont de cet avis. La plupart des sahabas sont de cet avis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait. Et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que ce qui est mieux. Et donc, incha'Allahu ta'ala, le fait de prendre des médicaments ne contredit en rien, bi'ivnillah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul. Celui qui doit prendre des médicaments, incha'Allahu ta'ala, qu'il les prenne, et ça ne contredit en rien, bi'ivnillah subhanahu wa ta'ala, le tawakkul, c'est même recommandé, comme l'a mentionné l'imam Shafi'i, et est de cet avis la plupart des compagnons, radiallahu anhum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.